and gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Collin. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, la musique commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Si vous m'entendez, c'est que ça va, c'est qu'on est toujours là. J'espère que vous êtes là aussi. Par cette belle journée froide mais ensoleillée, et ça, c'est beaucoup mieux qu'une journée moins froide mais pluvieuse. Et donc, on va essayer de vous amener de la bonne humeur, vous faire oublier bien tout ce qui se passe un peu en ce moment, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. C'est le Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Vous nous écoutez aussi, pas seulement sur les ondes, mais via Internet, via le câble, l'offre télédistribution. Vous nous écoutez en DAB+, et vous nous écoutez donc via le site internet RGL, rgl.lu. ou celui de Planète Indie, ilovemusic.gq. C'est une émission, c'est l'émission numéro 440 aujourd'hui, et il y a pas mal de choses au programme, évidemment de la musique, le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. On aura notre capsule BD, on ira faire un tour un peu sur les manifestations, et là il y a du dossier, puisqu'il y a notamment... Comme chaque année, on est partenaire du Lux Film Fest, donc on suit pour vous le festival du film de la ville de Luxembourg. On en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure. Et bien donc, je vous propose de commencer en musique avec un groupe qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'écouter dans cette émission. Bah oui, on aime bien vous proposer des nouveautés, hein. Alors le groupe s'appelle Sjöblom. Je ne m'abuse, ils sont suédois. Et le titre s'appelle Tape. C'est bien cela. Et puis après, on écoutera nos vieux camarades de S, avec trois parenthèses de chaque côté. Et Who Loves the Lover. Voilà, restez bien avec nous. Nous sommes ensemble, comme chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30. Et c'est parti avec Sjöblom. Fight it. boy. A bit strange, but so was I. A black hole in the heart and a head in the blue. And nowadays I just care too much. But I am here, you can feel my touch. Don't you worry, I'm alien to you. I've got it on release, so I can't hide it. I do the best I can, you can't deny it. And every time I fail, you'll understand me. I've got it all on tape. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. Hey, this is Mendel Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. I can see that you've cut your hair, and you changed your look from yesteryear. So I sip my cold as I cross the street, trying to get out of your way. The brief moment our eyes met still strains in my heart. We're acting like strangers. There's no reason to talk about the love we once knew. The endless days when we were one seems like they'll never go away. Walking beside you, whispering words that only we understand. I know you so well, although I don't know you at all. We're acting like strangers. Voilà, à l'instant dans nos oreilles, c'était Blackie Bluebird avec The Love We Once Knew, l'amour qu'on a connu un jour. Et avant cela, une autre histoire d'amour, enfin qui parle d'amour, une autre chanson qui parle d'amour, est-ce avec Who Loves the Lover. Oui, une parodie quelque peu de la phrase, c'est les phrases qui contrôle les contrôleurs. Ici, c'est qui aime ? Eh bien, celui qui aime, par S. Et puis on va commencer, pardon, cette émission avec Joe Blum et Tape. Si vous étiez avec nous la semaine... pas la semaine dernière, le mois dernier, mais je vais vous parler de la semaine dernière. Je vous avais parlé de la soirée d'ouverture, de lancement, on va dire, des festivités dans le cadre de Esch 2022, puisque eh bien, la ville, la cité minière, ou plutôt la cité, oui, du fer... héberge plein d'événements dans le cadre donc, de cette capitale culturelle 2022. La cérémonie d'ouverture s'est tenue samedi dernier. Moi j'y étais, comme je vous l'avais dit, j'étais à Belleval. Il faisait très très froid, hein. Ça il ne faut pas se mentir. C'était un peu pénible de ce côté-là. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui y étaient aussi. Moi personnellement j'étais un petit peu déçu de la suite des événements parce que voilà, j'ai trouvé ça un peu vide. Et puis avec le froid, ça n'arrangerait rien. Bah donc voilà, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de, bah voilà, de votre ressenti sur cette soirée si vous y étiez. Je pense que c'était peut-être un peu mieux dans le centre de Esch. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire. Rejoignez-nous sur Facebook. Vous tapez Planet Indie dans Facebook. Et puis, non seulement vous pouvez nous faire part de vos commentaires, de vos appréciations sur la musique que vous entendez, et puis vous pourrez être en contact directement avec pas mal d'artistes que vous aurez l'occasion et que vous avez l'occasion depuis maintenant une paire d'années d'entendre dans cette émission. Et puis, alors, toujours dans le cadre de Esch 2022, je vous ai parlé du concert du 15 juin, mercredi 15 juin. À Belleval, justement, organisé par La Rocale, le concert des Black Eyed Peas, et puis il y aura aussi le Open Air Belleval, donc ça se passera le 10 juillet avec la venue du groupe The Killers, le 10 juillet donc. The Killers, c'est un groupe de Las Vegas, un groupe composé notamment de Brandon Flowers, de Ronnie Vannucci, de Dave Koenig et de Mark Sturmer. C'est un groupe qui a vendu eh bien, pas moins de 25 millions d'albums et reçu pas mal de nominations aux Grammy, aux AMA, aux MTV Music Awards, and so on, c'est-à-dire etc., etc. Donc, si vous aimez les Killers, eh bien, il y a encore des billets, hein, je viens de regarder sur le site de La Rocale, www.rocale.lu. On ira faire un tour sur leur agenda plus proche de nous un peu plus tard dans l'émission. Avant cela, on va aller faire un petit tour sur notre album Power Play. Ce sera pour dans quelques minutes, 3 minutes 23 exactement, juste le temps avant cela d'écouter les Freedom Fighter et Money Talks. Et bah oui, encore une chanson qui parle de gros sous, en tout cas du pouvoir de l'argent. Money Talks par Freedom Fighters. We'll be right back. Je dois faire un petit mea culpa. On écoutait donc le groupe The Refusers et je les ai annoncés déjà comme Freedom Fighter, donc j'ai un peu mélangé le nom du groupe et le nom titre de l'album. Alors j'avais prévu effectivement de vous passer le morceau Money Talks lorsque j'ai préparé cette émission. Et puis je l'ai déprogrammé parce que voilà, suite à tout ce qui se passe en ce moment, je me suis dit bah il y a un autre morceau sur cet album qui s'intitule Clown Show, donc un spectacle de clown, et je me suis dit bah il colle peut-être un petit peu plus à l'actualité, donc je me suis dit je vais programmer celui-là. Et puis j'ai oublié de mettre à jour ma playlist qui me sert de conduite pour cette émission. Donc voilà, on a bien écouté Clown Show. Bon, ce serait amusant si ce n'était pas si dramatique que cela avec tout ce qui se passe. Et donc je vous rappelle donc le nom du groupe, c'est bien The Refusers. Allez, il est 17h22, partons si vous le voulez bien à la découverte de notre album Powerplay. Nous allons découvrir un album qui est à la fois mélancolique, mais qui se veut aussi le fruit d'une plus grande, une plus longue expérience de vie, même si on peut penser, s'il fait penser par moments, aux nombreux groupes pop britanniques et malgré leur nom qui est plus japonisant qu'un train de sushi. Ils sont américains originaires de Los Angeles. Leur nom, Takashi Miyake. On peut se demander d'où leur est venue cette idée farfelue de nom. La réponse, ils l'ont choisi en référence au prolifique réalisateur cinématographique japonais Takashi Miyake, Miyake, dont ils ont erronément prononcé le nom en Takashi Miyake, d'où le nom du groupe. Ce groupe s'est formé autour de la rencontre du guitariste Luke Packin et de la chanteuse et percussionniste Paige Stark. À l'époque, ils jouaient simplement ensemble à l'occasion, sans vraiment former un groupe, et puis au cours d'une séance d'improvisation, ils ont abouti à la création du premier morceau de ce qui allait devenir Takashi Miyake. C'est ainsi qu'ils ont été aussi invités en Grande-Bretagne pour une série de concerts et de festivals. En guise de boutade, cette chanson, c'était la chanson Something's Better Than Nothing. Et puis ils ont aussi, dans la foulée, enregistré une reprise du morceau All I Have To Do Is Dream, des Everly Brothers. En guise de boutade, donc, je disais, Stark a posté ce morceau sur Bandcamp et puis les marques d'intérêt ne se sont pas fait attendre. C'est ce qui a lancé l'aventure pour le jusque-là duo. Et c'est ainsi donc qu'ils ont été invités en Grande-Bretagne pour une série de concerts et de festivals. Voilà, comme ça on remet tout dans l'ordre. Après avoir collaboré brièvement avec la bassiste Dora Hiller, les deux compères ont fait la rencontre de Sandy Denton par l'entremise de connaissances communes. Elle est ainsi devenue la nouvelle bassiste permanente du groupe, dont elle assure aussi les chœurs. Leur premier EP éponyme est sorti en 2013 et a été très bien reçu. Le Huffington Post version Grande-Bretagne l'a même placé sur sa liste des meilleurs EP de l'année. Je pense que vous avez envie maintenant de découvrir musicalement de quoi on parle. Je vous propose un premier extrait de cet album. L'album s'intitule Castaway. Le nom du groupe, je vous rappelle, c'est Takashi Miyake. Ils sont américains, originaires de Los Angeles. Et nous, on va écouter un morceau qui s'intitule Forget Me. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie, émission numéro 440. Powerplay. Powerplay. On

Jamais aussi bien servi que par soi-même. Hein. Je vous avais dit que j'allais vous le désannoncer. En fait, il s'est présenté directement tout seul. Jeff, notre ami Jeff, The Art of Empathy. On écoutait le morceau intitulé 96%. Je vous disais que ça devrait vous rappeler des souvenirs parce qu'à l'époque où cet album est sorti, on a écouté pas mal d'extraits. On l'a même mis à l'honneur comme powerplay. À l'époque, je vous rappelle donc ce nom, le titre de cet formidable album, End of I, par le groupe Art of Empathy. Je vous parlais tout à l'heure de notre groupe Facebook, on n'est pas loin de 200 personnes. Je vous disais que vous aurez l'occasion de discuter notamment et d'entrer en contact avec des artistes que vous entendez dans cette émission. Et bien ça va être le cas pour l'artiste qu'on va accueillir maintenant. Elle s'appelle Irène, elle est charmante, elle est très jolie, elle nous interprète un morceau intitulé Io ti penso amore, donc vous avez compris, c'est une chanson en italien, mais bon, elle n'est pas italienne. Et voilà, c'est la première fois qu'on l'entend, c'est une toute nouvelle venue dans cette émission, on est très heureux de l'accueillir, et comme je vous disais tout à l'heure, elle fait partie de notre communauté sur Facebook, donc si vous voulez bien entrer en contact avec elle, vous nous rejoignez, et puis ça se passera aussi facilement que ça. Irène avec Io ti penso amore, et puis après, une artiste portugaise Tabea avec un morceau intitulé Amy. Sul mare sentiero trema e il viandante nella notte profonda. Shine through. Elle s'appelle Tabea et nous interprète une chanson intitulée Amy. Avant cela, donc, je vous rappelle, c'est une nouvelle venue dans notre émission. Elle s'appelle Irène et son morceau, c'était Yo ti penso amore. On va bientôt retourner sur notre album Power Play. Avant cela, je vous parle en raccourci du Lux Film Fest, l'édition 2022. C'est la 12e édition qui est marquée par plusieurs exclusivités et la présence d'invités de renom. Elle se déroulera entièrement en salle du 3 au 13 mars. Donc ça a commencé jeudi. Pour un certain retour, on va dire, à une forme de normalité. Il y aura aussi des nouveautés, avec notamment un nouveau prix, un nouveau label et puis un nouveau partenariat avec Acid Selection Cannes. Le président du jury international, c'est Elia Suleiman, et l'invité, un des invités d'honneur sera Terry Gilliam, qui avait dû annuler, si vous vous en souvenez, sa présence l'année dernière. Je pense qu'on en avait parlé. La cérémonie de remise des prix, eh bien, se tiendra le 12 mars. Et mettra en vedette le film d'anticipation poétique After Young, un drame anthropomorphique de science-fiction avec Colin Farrell et Jodie Turner-Smith. Le film de clôture du 13 mars, eh bien, voyagera quant à lui directement de sa première mondiale à la Berlinale de Berlin. Donc, elle voyagera jusque Luxembourg. Présenté en première internationale, le film Incroyable mais vrai est la dernière folie de Quentin Dupieux. Donc, si vous aimez les chiffres, cette 12e édition, ce sera plus ou moins 155-160 projections, 116 films à l'affiche. Vous pouvez acquérir, comme chaque année, un pass pour la modique somme de 35€ qui vous donnera droit, eh bien, à toutes les projections. Il y a une compétition officielle, il y a une compétition documentaire, il y a des films hors compétition, il y a pas mal d'événements. Il y a notamment aussi une exposition très intéressante au Cercle Cité, exposition où elle se prolongera, elle, un peu plus tard que le festival, donc vous avez encore un peu de temps pour aller la voir. Elle se tiendra, je pense, jusque dans le courant du mois d'avril. Exposition consacrée à la marque Hitchcock, ou comment, eh bien, Hitchcock a décliné son nom pour en faire une vraie marque commerciale. Allez la voir. J'ai été faire un petit tour en vitesse. J'y retournerai la semaine prochaine ou dans une semaine qui vient pour aller voir un peu plus en profondeur, mais je voulais vous en parler, enfin avoir vu quelque chose pour vous en parler. Donc ça se tient au Cercle Cité, cette exposition. Et puis toujours dans le cadre avec Hitchcock, la Cinémathèque organise S'ils sont de cinéma, et cette fois-ci c'est aussi orienté sur Alfred Hitchcock, c'est voir le cinéma avec Hitchcock en S'ils le sont. Ça c'est l'Université populaire du cinéma, c'est aussi la 12e saison. Vous aurez l'occasion de traiter de son œuvre, de la fabrique, c'est-à-dire de comment il fait ses films, de la psychologie qu'il met en œuvre dans ses productions, des trompe-l'œil, influence et résonance, et enfin des femmes dans les films d'Hitchcock. Ça se passe donc à la Cinémathèque de février, donc ça a déjà commencé, de février 2022, et la dernière session, ce sera en juin 2022, mais de toute façon, vous pouvez aller voir participer, je veux dire, aux sessions indépendamment, sans devoir assister à toutes les représentations et à toutes les leçons. Donc la prochaine, ce sera le lundi 28 mars à 19h. Ce sera intitulé « Trompe-l'œil, Hitchcock et l'Empire des signes, comment le faux est plus fort que le vrai ». Voilà, vous avez raté la première leçon qui parlait de son œuvre, Hitchcock auteur, comment des films deviennent une œuvre, et la leçon 2, la fabrique Hitchcock, comment l'invention ne doit rien au hasard. Cinémathèque.lu, si ça vous intéresse et si vous voulez plus d'informations. Retour à la musique, et avant de retourner sur l'album de Tashaki Miyake, on écoute Bobo Burns avec un morceau intitulé Running Back to You. I can't remember what it feels like to rain. The ground is all dried up, we're all feeling the pain. The clouds can't say, just which way to go. And I'm here in the middle, down this wide open road. We drove down to the ocean, it was too cold to swim, so we laid down together with the sun on our skin. They say now nothing lasts forever, but I know memories do. Through this life and all the others, I keep coming back to you. Oh, I keep on running back to you in my mind. Bright yellow sunsets crossing over the line, like dreams in an ocean. Hope stands at the shore. See, something moves me closer than I've ever been before. Oh, I keep on running back to you in my mind. Voilà, il s'appelle Bobo Burns, il nous interprétait Running Back to You, extrait d'un album quant à lui qui s'appelle Sea Green No. 5. 17h52 minutes, je vous rappelle que vous écoutez Planet Indie comme chaque premier samedi du mois. Nous sommes en direct donc, et cette émission sera aussi rediffusée demain dimanche aux mêmes heures. Donc, et demain, si vous nous écoutez le dimanche, il doit quand même être aussi 17h52. Voilà. Retour donc sur notre album Power Play, retour du côté de Los Angeles avec le groupe Tashaki Miyake et donc leur album Castaway, faisant suite à la sortie de leur première EP en 2013, un EP éponyme. C'est d'ailleurs là qu'on s'était arrêté et tout à l'heure dans la première partie. Faisant suite donc, nous voici en 2017 avec la sortie de leur premier album intitulé The Dream, un album de musique pop noire dévastatrice. Les années suivantes ont été consacrées à l'écriture de l'album qui nous intéresse ce soir, Castaway. Donc, le groupe Tashaki Miyake est probablement mieux connu pour ses reprises et ses réadaptations de classiques du rock qu'il publie plus vite que son ombre sur Bandcamp que pour ses compositions original. Le groupe a repoussé pour cet album. Cette fois-ci, il nous offre donc un album intrigant de composition originale pour lequel eh bien, il a repoussé ses limites traditionnelles et il se plonge ainsi dans les musiques de films qui les ont marqués pendant leur enfance, que ce soit Portishead, les Byrds, Snoop Dogg, Brian Eno, Prince ou encore Brian Ferry. Ils ont aussi repoussé leurs limites d'écriture par l'écriture de textes plus profonds, plus nuancés. Alors qu'auparavant, eh bien, ils avaient tendance à tout simplifier, à voir tout voir en blanc ou en noir. Désormais, leur attitude est plus nuancée. Il y a plus de complexité dans la vie, c'est ce que je vous disais tout en début de présentation tout à l'heure. Plus de zones grises pouvant aller du gris clair au gris foncé, comme aurait dit un certain Jean-Jacques. C'est dans cette zone trouble que se situe donc cet album, déjà son titre Castaway, qu'on pourrait traduire par naufragé. L'idée est apparue au cours de l'écriture du premier morceau sur base de réflexion au sujet de l'amour et comment il peut changer et évoluer avec le temps, si on parvient à rester assez longtemps, évidemment, dans une relation. Ça peut parfois être difficile, parfois on se sent bloqué, un peu comme un naufragé, bloqué avec soi-même, avec son partenaire, avec ses habitudes, ses pensées. Être naufragé dans sa vie, dans sa propre réalité, jusqu'à se demander si on est bloqué au-dedans ou au-dehors. Voilà, c'était un peu les réflexions que se sont faites les membres du groupe Tashaki Miyake, dont on découvre l'album Castaway ce soir. Je vous ai mis une vidéo, la vidéo de l'un de leurs morceaux sur notre page Facebook. Eh bien, je vous propose d'écouter un second extrait pour aujourd'hui. C'est le morceau intitulé Gone, Tashaki Miyake en powerplay aujourd'hui dans l'émission 440 de Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Thank you. écoutera un troisième morceau tout à l'heure. C'était le groupe Tashaki Miyake avec le morceau Gone, extrait de leur album Castaway qui est Powerplay ce soir dans Planet Indie. 18h pile, eh bien on va aller voir ce qui se passe du côté de la Rocale puisque la vie commence tout doucement à reprendre, enfin tant qu'elle peut. Le concert de Sabaton de ce mercredi 9 mars avec la venue notamment aussi de Lordi, vous savez ce groupe finlandais, je crois qu'ils avaient gagné, ils avaient en tout cas participé à l'Eurovision, eh bien ce concert est reporté. Jeudi 10 mars, Frank Gabal, All Star Band et Scott Anderson Trio, il reste encore quelques tickets. Vendredi 11 mars, dans le cadre du Lux Film Fest, il y aura le Music Video Night. Et puis, il y avait le Party Like Gatsby, aussi un concert blues jazz. Et bien, celui-là, il est annulé. Vendredi 11 mars, toujours organisé par le Rock Lab, c'est Meet the Filmmakers, c'est un drink de networking. Le 12 mars, il y a des ateliers en famille, il y a pas mal de choses, moi petit Mozart. Samedi 12 mars, le soir, eh bien, vous pourrez aller voir le Pink Floyd Rock Symphonique. Alors, le 13 mars, Sacha Velour. Quoi d'autre ? Le 16 mars, le Rock Lab Meeting Member, donc ça c'est leur rencontre mensuelle. Le 18 mars, Sofiane Pamar, le 17 ce sera Vianney, le 23 Brian Adams et puis le 26 le groupe Kyo. C'est assez chargé, hein, on reprend en force du côté de la Rocale. Le 28 mars Maluma, c'est la musique latino. Et puis le 29 mars, Sting, le concert est déjà sold out. Le concert, quant à lui, de Rag & Bone Man du 30 mars, lui, est annulé. Et puis après, ça nous ramène au samedi 2 avril, qui sera aussi la date de notre prochaine émission. Vous pourrez aller voir de l'électro avec Ronnie Dijon, Denis Sulta et Mamiko Moto. Voilà pour ce programme assez chargé du mois de mars du côté de la Rocale. On ira voir tout à l'heure ce qu'il y a à la Culture Fabrique et à Neumünster. Pour le retour à la musique, on va s'écouter Bradley Combs et puis Dan Israel, Never Everland et Be With Me respectivement. Et puis après, on ira faire aussi un tour du côté du monde de la BD, le monde fantastique et merveilleux de la BD. can, no. Get it while you can, no. Get it while you can, no. Oh. And get it while you can, no. Get it while you can, no. Get it while you can, no. Oh. Complaining. brother. Tears I'll leave you alone, but alone is what you'll be. Are you gonna avert your eyes? But someday you'll realize all the good things you lost when you lost me. All the good things you lost when you lost me. Do you have to be? If you don't wanna be with me, you don't gotta be with me. If you don't wanna be with me, you don't gotta be with me. If you don't wanna be with me, you don't gotta be with me. Don't wanna be with me. Don't gotta be with me. Be you. Be with me, soyez avec moi, c'est tout ce qu'on m'en souhaite. Hein. C'était Dan Israel et avant cela, Bradley Coombs, Never Everland. Il est grand temps d'aller maintenant découvrir notre BD du mois. Eh bien, ce mois-ci, j'ai craqué pour un album qui s'appelle Pinard de guerre. Le résumé en est le suivant. Ferdinand Tirincourt est marchand de vin. Quand la guerre éclate en 1914, il trouve plus rentable de poursuivre son activité que de servir de passoire aux Boches. Il n'hésite dès lors pas à simuler quelque infirmité pour se voir réformé et se tenir loin des champs de bataille. Son système est bien huilé. Il fait venir le pinard d'Algérie, le coupe avec des adjuvants peu catholiques pour enfin le fourguer à la grande muette qui en abreuve ses poilus, qui, galvanisés, mettent du cœur éthylique à l'ouvrage afin de regagner quelques mètres de terrain à l'adversaire. Maquignon sans vergogne, il n'hésite pas à organiser une pénurie artificielle qui fait monter ses prix. Mais lorsqu'un bombardement le surprend au cours d'une livraison près du front, il doit prendre en catastrophe ses jambes à son cou et se retrouve bientôt dans l'un de ses boyaux boueux au milieu des valeureux soldats, tenaillés entre deux feux ennemis. Quand il apprend que le jeune prisonnier des Allemands en face n'est autre que Sacha Morvan, un danseur des ballets russes, son sang ne fait qu'un tour. On a beau être un margoulin, un embusqué et un escroc, rien n'interdit d'aimer la danse, non ? Ça, c'était le résumé. Voici mon appréciation de cet ouvrage. Eh bien, le propre de la guerre est de mettre à nu la nature profonde des individus, qu'ils soient profiteurs, cupides, veulent, volontaires, courageux, altruistes. On peut dire qu'avec ce Ferdinand Tirincourt, on est servi. Sans scrupules et prêt à tout, il se planque, s'acoquine avec la femme d'un de ses fournisseurs et se moque de savoir qui remportera la victoire tant qu'il peut écouler sa marchandise frelatée et se remplir les poches. Il n'hésite pas non plus à faire preuve d'un mépris sans borne vis-à-vis des cutéreux obligés de se tapir dans les tranchées où les cadavres s'empilent en un immense ossuaire. Mais petit à petit, la tournure des événements va révéler une part d'humanisme en lui. Et on découvre autre chose sous sa carapace de cynisme, au final peu blâmable, tant il a baigné dans un réalisme acide. On en viendrait presque à apprécier l'homme, presque. L'antipathie du lecteur s'en détourne progressivement pour se poser ailleurs, vers d'autres têtes pensantes, tout autant lucides qu'intransigeantes et qui n'hésitent pas à alimenter cette boucherie, à l'alimenter de chair fraîche embuée par l'alcool. Les dessins sont très réussis, jouant avec les tons, flirtant par moments avec la monochromie, pour insister sur la grisaille, les états d'âme ou les contextes. Les tronches des protagonistes, typées, rugueuses, peu esthétiques, sont presque caricaturales mais témoignent des conditions peu amènes dans ces artères fangeuses. Même en étant annoncé dès la première case, le sang qui a coulé ayant la belle couleur bordeaux, la violence reste plus suggérée que montrée. L'usage de la voix off contribue à mettre un peu de distance avec les événements, tout en renforçant le côté glaçant. Le scénario intelligent aborde cet épisode majeur par la petite porte et offre réalisme et rebondissement. La crédibilité du récit est renforcée par le recours à l'argot ou à la langue de Goethe, mais aussi par le dossier documentaire en fin de volume qui détaille la portée historique du père Pinard dans le conflit. En conclusion, eh bien, je dirais que, percutant et incisif, cet ouvrage nous rappelle que la der des der s'est avérée n'être qu'un immense gâchis. Des deux côtés, les troufions n'aspiraient qu'à en oublier tant les horreurs qui les attendaient que les trahisons de ceux qui ne les attendaient plus, cherchant refuge et salut dans les brumes éthérées de l'alcool, voire de l'alcoolisme. Cette chronique, qui ne tombe ni dans le manichéisme ni dans la moralisation, met en lumière un aspect peu connu, voire occulté. Un cru excellent, largement supérieur à la Piquette, qui en est le principal protagoniste. Voilà, j'ai adoré cet album. D'ailleurs, on annonce un tome 2 qui s'appellera « Bagnard de guerre ». Si je vous dis pourquoi, je vous en raconte déjà trop sur l'histoire. Donc, c'est un album écrit et dessiné par Pélaez et Porcel. C'est sorti chez Grand Angle. Il est sorti au mois de septembre, donc il est encore assez récent. Je vous rappelle son titre, Pinard de guerre. Très très bon album. Et puis un autre album dont je vous avais parlé précédemment, celui qui s'appelle Jour de sable d'Aimé de Young, eh bien il a reçu, son auteur Aimé de Young a reçu le 32e prix des libraires de bandes dessinées avec ce récit percutant à la lisière du documentaire qui, si vous vous en souvenez, nous a fait plonger au cœur d'une crise qui a fait migrer 3 millions d'Américains. Qui, eh bien, en arrivant dans ces prairies transformées en désert de poussière par la surexploitation agricole, eh bien, John, ce reporter photographique, va entamer une expérience qui va bouleverser sa vie. C'était sorti chez Dargaud et je vous l'avais présenté il y a quelques mois de cela, cet album « Jour de sable » d'Aimé de Young. Et puis, dernière annonce concernant le monde de la bande dessinée. Souvenez-vous, je vous avais parlé aussi il y a quelques mois d'un album, d'une histoire en deux volumes qui s'appelait La peau de l'autre. Vous savez, cette histoire qui se passait aussi pendant la guerre avec des aviateurs dont l'avion avait été abattu. Il y en a un qui avait sauvé son copain, mais au prix de son visage, puisque son visage avait été brûlé. Enfin, et bien voilà, le deuxième tome vient de sortir. Il s'appelle Vice Versa. Le premier, c'était Pile et Face. Ici, c'était Vice Versa. J'étais vraiment très, très curieux de voir comment l'auteur allait combiner la fin de l'histoire. Je suis resté un petit peu sur ma faim sur ce deuxième volume, en tout cas quant au scénario, les dessins sont toujours vraiment très bien. Donc si vous avez aimé le premier, c'est quand même bien d'avoir la fin de l'histoire. Donc je vous annonce que cet album est sorti. Voilà, retour à la musique. Je vous mettrai la fiche de lecture sur notre site internet www.ilovemusic.gq. La conclusion sera aussi avec la couverture dans notre groupe Facebook. Retour à la musique avec The Beautiful Art of Decay et un morceau intitulé Stories. These refrigerator moments in between these walls. A nice philosophy, and the ruin of the West World, the drought of the East, the hemispheres collapsing. Still we keep feeding the beast. The stories were told. Stories par The Beautiful Art of Decay. J'avais programmé Michael Jonathan avec un morceau très très marrant, un morceau hilarant qui s'appelle Band Jokes. Je pense qu'on va être à court de temps aujourd'hui. C'est vrai que c'était une émission assez chargée au niveau des dossiers. D'ailleurs, on doit encore retourner, ce qu'on va faire tout de suite sur notre album Power Play. Avant cela, je vous annonce la programmation de la Culture Fabrique. Samedi prochain, ce sera Céleste. Jeudi 17, vous pourrez voir Mars Red Sky and Somali Yacht Club. Mardi 22, Maybe She Will. Mercredi 23, Pascal Schumacher. Jeudi 24, de nouveau Pascal Schumacher qui présente toujours Luna. Et puis le vendredi 1er avril, Whispering Sons. Je voulais vous faire part aussi de l'agenda de Neumünster, mais ils ont un peu changé leur site. Je ne m'y retrouve pas trop sur leur nouveau site internet. Mais je sais qu'il y a toujours les concerts du dimanche, les concerts apéro jazz du dimanche midi. Donc ça, demain, je l'ai vu, il est programmé, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il y a au programme. Alors, retour à l'histoire du talentueux trio Tashaki Miyaki. Au départ, connu comme un groupe de reprises de grands standards qu'ils déconstruisaient pour les rebâtir selon leur propre style, avec leur touche personnelle. Mais avec ce dernier album Castaway, ils ont, comme on l'a dit tout à l'heure, repoussé leurs différentes barrières pour donner naissance à un album plus ambitieux, plus personnel et plus mélancolique, puisqu'il se veut au départ un point de départ, pardon, mais aussi l'aboutissement d'un processus de réflexion au sujet de la vie et de ce qu'elle peut offrir ou pas, pourrait-on dire. En considérant par exemple la plage titulaire de l'album de départ, eh bien, tous les défis de l'amour romantique qu'il est possible de raconter et combien tous autant que nous sommes, nous pouvons être maladroits, voire mauvais dans ce contexte. L'idée du naufrage ici veut mettre l'accent sur le fait que personne ne peut prétendre connaître les tenants et les aboutissants d'une relation, si ce n'est ceux qui sont dedans, comme si une fois naufragé sur une île déserte, peut-être arrivera-t-on un jour à rejoindre le continent, mais peut-être pas. Le groupe a voulu explorer tout le spectre des sentiments dans le clip, notamment le spectre des sentiments qui peuvent surgir dans une relation amoureuse. La colère, la tristesse, la solitude, la vulnérabilité, le calme, la joie, la romance, le désir. Camille, l'actrice, c'est une amie de longue date de Paige, dont on a parlé tout à l'heure. Elle a un visage très beau, mais aussi très expressif. L'idée était de faire en sorte que la caméra soit en quelque sorte son amoureux, afin de capturer et de partager tous ses sentiments personnels, ses sentiments et ses états d'esprit. Voilà, c'était la présentation de l'album Castaway du groupe Tashaki Miyaki. On va écouter un troisième extrait. Je vous ai mis une vidéo donc sur notre page Facebook. On va écouter le morceau intitulé Good Times. C'est le dernier morceau de l'album. C'est avec ce morceau aussi qu'on va se quitter, puisque voilà, ça passait très vite aujourd'hui. J'étais très heureux de vous retrouver. Ben, j'espère qu'on se retrouve en tout cas le 2 avril, qu'on sera toujours vivant. On se retrouve donc le 2 avril pour la prochaine émission en direct. D'ici là, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, évidemment. Bonne fin de journée, bonne soirée, bon week-end. Et donc, à dans un mois pour la prochaine émission. Je vous rappelle que nous sommes rediffusés demain. Le podcast sera disponible sur notre site internet dès ce soir. Voilà, voilà. À très bientôt. Bonne soirée. Power play. Power play.